Ça marche. Ok, donc moi c'est Damien. Je joue dans plusieurs groupes. Je joue dans Zoft, un duo, un peu rock expérimental, dans le Wild Classical Music Ensemble, un projet avec des personnes handicapées. Et je fais aussi de la création radiophonique, création sonore. Et voilà. Alors, petite question, c'est quoi pour toi le droit d'auteur? Oula. Ça représente quoi? Ça t'évoque quoi quand, Ben le droit d'auteur, comment... Moi, ce que je me souviens par rapport à ça, c'est, mais je sais plus c'est qui le personnage, mais c'est quelqu'un en France, quelqu'un d'assez connu, qui s'est battu, je veux dire, c'était en 1800, 1900, moi je sais plus, pour voilà, pour que les auteurs aient droit à une rémunération, voilà, par rapport à la diffusion des œuvres, etc. Alors, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur? Je sais pas, pour moi c'est un truc hyper flou quoi. Mais déjà ça dépend, pour moi ça dépend vraiment c'est quoi le travail que tu fais quoi et comment est-ce qu'il est diffusé, dans quel média. Je sais pas, pour moi c'est très... Je sais pas, j'ai du mal à voir ça comme une notion globale en fait quoi, parce que j'ai l'impression que c'est fort du cas par cas quoi, vraiment par rapport à... voilà, à chaque production, quoi, parce qu'il y a des choses, voilà, qui sont faites pour Internet, par exemple, des choses qui sont faites pour des supports, des choses qui sont faites pour être live, quoi, comme les concerts, les performances, le théâtre. Donc déjà, c'est des trucs très très différents, quoi, dans la façon dont ça se passe. Donc voilà, mais j'ai l'impression que à la base, l'idée du droit d'auteur, c'est ça vient d'un temps où voilà, où les auteurs, je veux dire, où les artistes, voilà, avaient du mal à nouer les deux bouts et j'imagine à une époque où voilà, c'était plus uniquement du mécénat, mais il commençait à y avoir d'autres formes de rémunération et du coup, voilà, j'imagine qu'il y avait ce besoin de vivre de son œuvre, voilà, autrement que par purement, voilà, du mécénat ou voilà, si l'œuvre elle est répétée, voilà, moi ça m'évoque ça, mais c'est pas très clair. Alors, est-ce que tu peux vivre de tes droits d'auteur, toi, ou est-ce que tu as Ah non. déjà gagné quelque chose? Enfin, ça t'a déjà amené. Ouais, ça oui. Alors vivre, non, ça pas du tout. Alors je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent vivre leurs droits d'auteur. Je veux dire, il y a les héritiers des Beatles. Il y a... Il y a... voilà. Hergé. Oui, et voilà, les héritiers d'Hergé. Enfin bon, voilà, à part des noms comme ça, je vois pas trop bien, quoi. Non, ça c'est sûr que non, je peux déjà même pas vivre de ce que je fais, comme la majorité des artistes ou musiciens, ou voilà. Et après, par contre, oui, par contre, j'ai déjà touché des droits d'auteur, ouais. J'ai déjà touché des droits d'auteur, parce que, voilà, parce que, donc, moi, pour la création radiophonique, je suis inscrit à la SCAM, donc qui fait partie de la SACEM, voilà, qui est très différente de la SABAM. Et je suis chez Monmi aussi inscrit à la SABAM voilà, pour d'autres projets musicaux. Voilà. Alors, pour continuer, qu'est-ce que tu penses du téléchargement sur Internet, téléchargement libre ou téléchargement pirate? Alors déjà, c'est pas la même chose. Non, non, voilà, mais les Ah oui. deux cas de figure. Ben alors déjà ça dépend parce que le téléchargement libre, pour moi ça inclut le fait que la personne qui a fait l'œuvre la donne à télécharger gratuitement. Par exemple moi c'est mon cas dans certaines créations radio, enfin dans toutes les créations radio d'ailleurs que j'ai faites qui sont sur des sites internet de podcasts et donc voilà les gens peuvent l'écouter, le télécharger et donc ça c'est voilà c'est du téléchargement libre et moi je trouve ça absolument génial. Et ce que je trouve d'autant plus génial, c'est que comme c'est sur dans des structures, par exemple, comme moi j'avais fait avec Silence Radio ou Arte Radio, je veux dire, moi en tant que créateur sonore, J'ai été rémunéré pour un travail que j'ai fait, donc ça c'est ce qui est super chouette quoi. Et en même temps, l'œuvre elle est pas à vocation commerciale quoi, et elle termine sur un site où tout le monde peut l'écouter gratuitement quoi. Donc ça c'est super bien. Et après d'ailleurs, même ces œuvres-là, comment? Ah non non, ça non, j'allais dire n'importe quoi. Et non, voilà. Et par contre, par rapport au truc pirate, au téléchargement pirate, je suis complètement pour. Voilà. Même le téléchargement pirate de tes œuvres. Absolument, ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais. Ça, c'est clair. Bah oui, parce que voilà, parce que c'est. Je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer, ça me paraît couler de source, quoi. Je veux dire, c'est simplement, voilà, c'est la beauté d'Internet et de toutes ses possibilités. Et voilà, moi je télécharge des trucs. Après, disons que ça dépend vachement, parce que c'est pareil, le téléchargement pirate, c'est. Je veux dire, je trouve ça. Moi, par exemple, je vais télécharger. Bah, je télécharge quasiment pas de musique, mais moi je télécharge des films et des conneries à regarder. Je veux dire, je télécharge des gros trucs nuls, je veux dire des gros trucs américains, etc. J'en ai vraiment rien à caler. Je veux dire, je payerai jamais pour regarder ces trucs-là, quoi. Par contre, c'est sûr que, je veux dire, ça va un peu plus me déranger, par exemple, le fait de télécharger un truc pirate, je veux dire, d'un petit groupe, tu vois, que je connais, machin. Évidemment, là, voilà, moi, je vais voir le concert, j'achète le disque si j'ai envie de les soutenir, etc. Et, bon, voilà, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes, les mêmes questions, quoi, une fois de plus, quoi. Donc, c'est clair que quand, voilà, tu télécharges Metallica, très bien, téléchargez tous Metallica, quoi, si vous aimez Metallica, mais, je veux dire, mais après, bon, télécharger, voilà, DJP. Il est en téléchargement libre. Mais tout à fait, qu'il y ait des gens en téléchargement libre. Non, mais voilà, donc ça c'est voilà, c'est clair que c'est pas la même action quoi. Je pense que c'est comme voler dans les magasins quoi. Pour moi, c'est exactement la même chose quoi. C'est tu voilà, tu voles au Deleuze, bah très bien. C'est tout à fait voilà, il faut le faire. Et par contre, tu voles l'épicier en bas de chez toi qui n'est pas du tout dans une grande chaîne et qui fait ses petits trucs comme il peut. Bon bah moi je trouve ça moins louable quoi, voilà, parce que c'est pas du tout la même démarche pour moi quoi. Il y a une démarche qui est d'une part qui est politique et qui s'attaque à voilà, une certaine forme d'institution, et puis l'autre où c'est vraiment un truc ultra sauvage et c'est juste prendre tout partout comme on peut quoi. Voilà, où c'est comme la question du prix libre, tu vois, des concerts, quoi, par exemple, c'est pareil, tu vois, t'as des gens, ils vont toujours vouloir mettre juste 20 cents, et puis voilà, des gens qui comprennent que, ok, c'est un prix libre, mais ça veut dire que c'est libre, et que tu mets ce que tu peux mettre en fonction de tes revenus, quoi, ce qui n'est pas du tout la même démarche aussi, quoi. Voilà. Tu es pour Robin des Bois. Ouais, en quelque sorte, ouais. Bah, je trouve qu'Internet permet ça, en tout cas, et que ça, c'est génial, parce que, je veux dire, quand tu vois que même des gars, je veux dire, qui font des blockbusters, ils tremblent, tu vois, quand ils se rendent compte qu'il y a eu une fuite et que le film est sorti sur Internet avant même qu'il soit sorti en salle, et que les mecs, ça leur fait perdre des millions. Bon, bah là, tu te dis moi, je trouve qu'il y a une force, quand même, d'Internet, là, et des gars, voilà, qui ont les couilles de faire ça, et qui... Voilà, moi je trouve ça très bien. Ouais. Alors, continuons. Penses-tu que le copyright freine le partage? Bah non, parce que justement, grâce au téléchargement pirate. Donc du coup, tout le monde s'en bat les couilles des Mais disons copyrights. qu'il y a des produits copyrightés, ils sont publiés sur le net, il y a un lien, ils sont déposés dans un serveur et au final ils sont retirés pour cause de d'infraction au Ah copyright, oui, dans ce ils sont sens-là, oui. retirés Oui, d'un si, oui. Media Fire. Oui, bah alors dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, j'imagine que le copyright. Mais moi, ça, en fait, ça m'évoque rien, moi, le copyright. Je vois même pas exactement qu'est-ce que ça inclut, quoi. C'est quoi exactement être sous copyright ou. C'est le fait d'avoir son œuvre déposée, quoi. Qu'elle soit déposée, donc elle est interdite de diffusion publique Ouais. gratuitement, elle est interdite de copie, Oui, elle est oui. interdite, voilà, Oui, ça d'office. pose un cadre. Oui, mais sauf que le truc, c'est que, ok, ça c'est l'idée du copyright, mais sauf que concrètement, quelles sont les choses qui sont retirées, par exemple, dans l'exemple que tu viens de citer d'Internet, etc. C'est des blockbusters, c'est des gens qui ont plein de thunes, qui peuvent se permettre d'avoir des mecs, de payer des gens qui ratissent Internet pour trouver ces trucs et les enlever. Mais je veux dire, par exemple, moi, je suis sous copyright, je veux dire, avec un de mes groupes. Bon, je veux dire, il n'y a personne qui a jamais ratissé Internet pour voir s'il y avait quelqu'un qui téléchargeait. Je veux dire, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que je pense que, une fois de plus, quoi, le copyright, tout dépend de ce que tu en fais, quoi. Parce que si tu as après une armada d'avocats ou de gens qui comme, voilà, comme Metallica, quoi, les mecs à porter plainte parce que, contre un site, etc., de téléchargement, voilà, c'est ce que le mec il en fait, je veux dire, enfin, c'est l'action que lui va poser sur base du fait que son œuvre est sous copyright, quoi. Mais je veux dire, après, moi j'ai des trucs sous copyright et puis voilà, j'en ai rien à caler que les gens le téléchargent. Et moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est que par exemple, si un de mes morceaux, par exemple, un jour est utilisé ou est diffusé par exemple dans une radio, dans une grosse radio. Donc, commercial, quoi, il y a de la publicité, etc., pas comme Radio Panique, ben là, je vais toucher des droits d'auteur. Et ben moi, je trouve ça logique. Je veux dire, par exemple, tu vois, je trouve ça logique parce que ces gens-là ont les moyens de payer. Je dirais, ben, qui paye alors, tu vois, pour des gens comme nous qui avons le cul de thunes et qui nous cassons le cul, tu vois, à faire de la musique. Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que, par exemple, nous, comment, avec Zoft, là, tu vois, notre album, il est sur Alaa Sabam parce qu'on, bah, de toute façon, voilà, on n'a pas eu le choix, quoi. Le label nous a dit de nous mettre Alaa Sabam. Et donc, du coup, voilà, on y était de toute façon de facto, quoi. Mais je veux dire, après, on a eu une interview sur Pure FM. Et ben, tu vois, voilà, on va être payé par Pure FM, tu vois, pour ce truc, parce qu'ils ont diffusé des morceaux. Bah, moi, je dis tant mieux, tu vois, très bien, quoi, ce genre de truc, pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai rien contre, quoi, tu vois. Après, ce que j'ai vraiment, ce que je trouve qui est complètement débile, et ça, c'est la grosse différence entre la SABAM et la SACEM, justement, c'est que la SABAM, ils attaquent tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et ils font aucune différence. Et toi, en tant qu'artiste, t'as rien à dire là-dedans, ce qui est complètement absurde, parce que c'est ton œuvre. Et eux, enfin, tu vois, ils font des procès sur base de ton travail, mais toi, t'as rien à dire là-dedans. Donc, c'est une dépossession complète, et c'est n'importe quoi, hein, ça, c'est clair. Mais par exemple, à la SACEM, enfin à la SCAM, donc pour les œuvres radiophoniques, eh ben, eux ils ont un accord, et justement des pièces que j'ai faites, par exemple elle va être diffusée à la RTBF, eh ben, je touche des droits d'auteur, et c'est quand même conséquent, et c'est vraiment génial, parce que toi en tant qu'auteur, ben, du coup tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais, et enfin bon voilà, c'est vraiment bien. Mais par contre, la même pièce va être diffusée sur Radio Panique ou Radio Campus, eh ben ils payent rien et ils seront jamais attaqués de rien du tout parce qu'ils ont des accords, parce que c'est des radios associatives et non commerciales, et donc voilà, eux ils ont le droit de diffuser ces pièces. Et alors moi je trouve que dans ce cadre là, bah, c'est tout à fait logique parce que c'est, voilà, en fonction des démarches et des interlocuteurs, bah, le rapport est différent, quoi. Et du coup moi ça, je trouve ça assez juste, quoi, parce qu'il y a aussi cette posture par rapport à, parce qu'après j'ai quand même un tout petit peu réfléchi en sachant que tu venais, mais tu vois cette posture aussi du tout libre et tout gratuit, tu vois, il y a, bon, je peux comprendre la philosophie, mais je veux dire, c'est une philosophie qui est basée sur quoi? Je veux dire, c'est une philosophie qui est basée sur le fait que je veux dire, que t'as forcément autre chose comme revenu pour vivre, quoi. Je veux dire, donc soit t'as le chômage, soit t'as le CPS, soit tu bosses, je veux dire, mais si t'essayes, par exemple, de vraiment vivre de ce que tu fais et que c'est une volonté, voilà, de se développer là-dedans, à un moment donné, tu dois avoir de l'argent quand tu joues ou quand tu diffuses ce que tu fais, quoi, pour pouvoir vivre de ça et pouvoir continuer à créer, pour pouvoir continuer à être inventif, quoi. Donc, voilà, c'est un truc, c'est... Après, c'est des choix de vie, quoi, tu vois, que chacun fait, quoi. Mais je pense que le... Voilà, ouais, voilà, c'est des choix, quoi. C'est des choix, et je pense qu'il y a plein de choix qui sont valables, mais voilà, je pense qu'il y a une, voilà, différentes approches aussi par rapport à ça, quoi. Mm-hmm. Où tu faisais la comparaison avec la psychanalyse, mm-hmm, et le fait de dire que voilà, ça fait partie du processus de payer quand tu fais une psychanalyse, et que c'est, mm-hmm, ça aussi qui donne de l'importance à ta démarche, etc. Et du coup, et voilà, et c'est comme un concert à gratuit ou le téléchargement libre, où il y a un moment donné où le fait de ne pas payer pour quelque chose lui enlève une certaine valeur aussi, et ça, voilà, c'est complètement débile, mais c'est la façon dont on fonctionne, quoi. Et du coup là, voilà, je te racontais juste des expériences de concert aussi où vraiment en tant que musicien, quoi, tu sens la différence à un concert, si tu joues à un concert où personne n'a payé pour être là, et voilà, il y a une attention qui n'est pas du tout la même qu'un concert où les gens ont payé 5-10 euros, je veux dire, pour venir te voir. Et, parce que du coup, comme ils ont payé, ben, ils vont s'investir et de mettre plus d'attention quoi, à ce qui est proposé. Quoi. Et voilà, c'est la façon dont les choses sont quoi, pour le moment. Quoi. Après, je pense que c'est dû à plein d'autres paramètres quoi, donc qui sont la société dans laquelle on évolue, etc. Mais en tout cas, concrètement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, un des résultats de la gratuité, c'est celui-là aussi. Quoi. C'est une perte de valeur. Et du coup, voilà, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont à diffuser largement gratuitement, et puis peut-être d'autres moins, parce que simplement, ça les déforce aussi, quoi, en artistiquement parlant. Quoi. Donc voilà, mais c'est pas forcément juste que ce soit comme ça. Ça, par contre, comprenons-nous bien. Mais c'est comme ça que c'est pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais une idée de ce que ça représenterait un partage de la culture idéale? Je vois pas, parce que partage de la culture, moi, ça m'évoque rien. Parce que la culture... mais je pense que, ouais, Internet... Internet a énormément, ouais, aide vraiment énormément là-dedans, quoi, dans une diffusion, puis après dans une diffusion aussi beaucoup plus large aussi, quoi, je veux dire tout simplement, quoi, de certaines œuvres qui peuvent aller dans le monde entier. Ouais, voilà. Mais après, ouais, un partage idéal, je sais pas, franchement, là comme ça, j'en ai pas en tête, je vois pas très bien. Alors, aussi parce que dans ton expérience avec la SABAM, ou la SACEM, ou la SCAM, est-ce que y a eu des choses un peu hors du commun? Est-ce que tu as vécu une expérience ou l'autre où ça s'est posé comme étant vraiment efficace, ou bien comme étant vraiment un problème d'avoir signé avec eux? Mm-hmm. Alors avec la SCAM, rien du tout. Là vraiment, voilà, moi, j'ai eu aucun problème. Ça se passe bien. Ouais, moi, pour moi, là, voilà, j'ai touché des droits. Les œuvres ont été diffusées. J'ai touché des droits. Voilà, nickel. Et la SABAM, bon, non, la SABAM, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Non, ça marche pas du tout. Je veux dire, voilà. Non, moi j'ai un projet là, le projet avec les personnes handicapées, le Wild, où comme ça, par hasard, j'étais tombé sur le fait qu'il y avait un morceau qui avait été diffusé sur Radio France. Et donc, moi, j'ai signalé à la SABAM. Je dis, mais attends, parce que voilà, toujours dans la même logique où pour moi, si nous, on peut avoir un petit retour là-dessus et que ça, voilà, ça vient d'une radio qui a de façon pété de thunes, quoi. Ouais, bon, bah, qui, voilà, qui paye la SABAM et tout. Bon, c'était il y a 3-4 ans, hein, ce truc-là. J'ai jamais vu un copec. Donc, voilà... Après, si, ouais, on a eu quelques petits retours, ouais, sur 2-3 trucs, mais je sais pas. La SABAM, c'est vraiment... déjà, c'est hyper kafkaïen. Je veux dire, les bureaux, je sais pas si t'as déjà été, mais c'est la folie furieuse, quoi. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... t'as l'impression que tout est fait pour te rebuter, pour que tu poses aucune question, et que voilà. Et... enfin, ouais, non, j'aime pas du tout, quoi. C'est clair que j'aime pas du tout la SABAM, mais c'est vrai que de temps en temps, enfin, voilà, je me dis, tiens, faudrait que je prenne une décision plus radicale autour de ça. Plutôt que cette espèce de semi-molassonnerie comme ça, parce qu'après, voilà, je parle avec d'autres personnes, comme Smurf, par exemple, des binamés et tout ça, qui me dit, voilà, que lui, moi, je me rendais pas compte, mais que lui, c'est clairement, il s'est, par exemple, fait emmerder par la SABAM, parce qu'il organisait un concert, quoi, je veux dire, un petit concert à la ferme du Biéro, machin, et ces enculés, ils passent leur temps à feuilleter les journaux pour voir tous les concerts, etc., et demander de raquer, enfin, tu vois, et bon, là, c'est scandaleux, je veux dire, moi, il me raconte un truc pareil, voilà, j'en reviens pas, quoi, et je me dis, bah ouais, non, moi, j'espère, enfin, je sais pas, je vois vraiment pas le... Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi pour moi. Le fait qu'en tant qu'artiste, t'aies même pas la possibilité de dire à la SABAM que tu payes aussi, quoi, tu vois, pour... avoir tes œuvres chez eux, parce que quand tu t'inscris, tu payes, je veux dire, tu payes, etc. Et après, toi, en tant qu'artiste, tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller jouer dans ce lieu-là, gratuitement, tu vois, mais putain, t'as quand même le droit de faire ce que tu veux, quoi, tu vois, c'est ton travail, quoi. Et ben non, parce que eux-mêmes, sans te demander à toi, ils vont aller attaquer cette personne-là, que tu le veuilles ou non, enfin, tu vois, et là, il y a un truc, c'est, voilà, donc c'est clair que, pour moi, la SABAM, ça a vraiment, bon, de toute façon, ça a super mauvaise réputation, hein, je veux dire, c'est, tout le monde le sait, quoi, mais, donc... Voilà, ouais. Ok, ben voilà, merci Damien. Je t'en prie, Donc, JP. Damien de Zoft et du Wild Classical ensemble. Musique ensemble. Musique, Wild Classical musique ensemble. Coupé!